aujourd'hui, dites à demain, ne viens pas tout de suite. Les heures depuis ce matin passent trop vite. Je n'ai pas pu effeuiller toutes ces marguerites, boire à même la rosée dans sa fuite. J'aurais bien voulu flâner de l'aurore au crépuscule, papillonner avec les libellules. De l'aube à peine sortie, aujourd'hui pensée pardi, que le cours de l'infini était né de la dernière pluie. Demain, dites à aujourd'hui, désolé mon vieux, depuis toujours je te suis comme je peux. Te voilà un peu passé, sur ton soir il pleut, c'est à mon tour d'apporter du ciel bleu. Tu sais bien, t'es pas idiot, qu'à chacun son crépuscule, après les cocoricos, ça ulule. Pourtant, au coup de midi, aujourd'hui avait senti que le cours de l'infini semblait s'arrêter chez lui. Alors aujourd'hui, repense à ses tout débuts, à sa si proche naissance hors des nues. Ce n'est pas trop d'un seul jour, ah si j'avais su, pour se chercher un amour, je suis déçu. Je te trouvais pas vraiment fier au bout de ton crépuscule. Ce soir, je suis comme toi, hier, je capitule. Dans l'épaisseur de la nuit, aujourd'hui a bien compris que le cours de l'infini allait continuer sans lui.